Non, nous attendons tout le bavou parce que nous irons chaque jour. Vous voyez bien jolie, mais s'il fallait rester ici, ouais, comme nous, tout l'hiver, je trouverais plus beau non plus. Tu as compris, je veux dire, je trouve ça bien, parce que je suis ici. L'été, je veux pas dire. Mais venir jeden Tag arbeiten. Mais l'hiver, je rigole. Soigner notre troupeau, oui, comme nous pouvons, oui, on sème un peu, oui, et nous récoltons, quand le temps le dit bien, on récolte un peu, et quand le temps le dit pas, on ne récolte pas beaucoup. Alors, en deux fois, vous mettez deux kilos pour bien nourrir. Vous avez deux rations, une le matin, une le soir. Mais elle, elle mange la nuit sans lumière. C'est-à-dire que ce soir, maintenant, l'herbe, elle est mauvaise. Ça, les nourritures, c'est un bon soin. La troisième, une bonne ration ce soir. On met de la paille aussi. vous êtes toute seule toute la journée. Tout seul toute la journée. Ça veut dire. J'aime la solitude. Ah, j'aime ça. Mm-hmm. Je connais mon troupeau, je connais toutes les bêtes, j'aime ça. Je les connais toutes individuellement, vous voyez. Elles sont même baptisées, vous voyez, tout en leur nom. Tout en leur nom. Tout en leur nom. Jedes Tier hat seinen Namen und erkennt sie und er beschäftigt sich mit ihnen. C'est complètement libre. Il faut aimer ça. En ville, on n'est pas libre. Quand vous allez en ville, vous ne pouvez pas faire le travail. Vous devez faire le travail comme vous commande. Oui. Oui. Moi, je fais le travail à ma manière. Je le fais à mon idée, oui, je suis libre. Oui. J'aime pas bien la société. De temps en temps, mais pas tout le temps. Son troupeau 24 heures sur 24. S'il y a une femme, surtout, il fera son travail comme à la ville, ses heures de travail, c'est le reste, c'est la vie de famille. Oui. Dès que l'homme berger se consacre à ses moutons, il est fait. C'est tout. Parce qu'en gardant, on ne s'ennuie pas, on se distrait comme ça. Et en gardant, on passe le temps comme ça, on regarde les brebis, tout ça, puis après, on ne s'ennuie pas. Je ne vous plairait pas de faire le berger-gou. Vous restez un moment immobile avec le bâton là. Vraiment, quand il y en a qui sont malades, il faut le soigner. Et vous savez que l'expérience d'un berger, ça vaut plus que l'étude d'un vétérinaire. Et l'autre en fait d'expérience. Moi, il y a 50 ans que je garde. C'est l'exemple. Ah, si je dois la guérir, il faut le tenir de partout. Merci beaucoup. Au revoir. Il faut se protéger. Bien.